Madame Bakota, maman bien boudée. On met papier tous les jours. Madame Bakota, maman bien boudée. On met papier tous les jours. Monsieur Cap Marie Cap placé, tout ça vous fait la passer dans mer. Tout ça vous fait la passer dans mer. Quoi que vas-tu pour payer loyer? Vous dépensez tous les jours. Quoi que vas-tu pour payer loyer? Vous dépensez tous les jours. Madame Bakota, maman bien boudée. On est babé tous les jours. Madame Bakota, maman bien boudée. On est babé tous les jours. La poche malheureuse. Les amis, là, je peux faire mon nez. La poche malheureuse. Mais comment elle est dépensée? La poche malheureuse. Les amis, là, je peux faire mon nez. La poche malheureuse. Mais comment elle est dépensée? La poche malheureuse. Les amis, là, je n'ai pas fait mon nez. La poche malheureuse. Mais qu'on aura tiré des pensées. La poche malheureuse. Mes amis, là, je n'ai pas fait mon nez. La poche malheureuse. La vie gagne, cap ma Jésus, que le soleil. Même si la terre, c'est pas votre malheur. La vie gagne, cap ma Jésus, que le soleil. Même si la terre, c'est pas votre malheur. Là, je n'ai pas fait mon nez. La poche malheureuse. Nous faisons pour nos villes, sur la terre bénie. La jambe pas fait pour la poche malheureuse. Nous faisons pour nos villes. Soit t'as besoin encore. Oh, on y a passé ça non point. C'est pas exemple. Dis ta mando quand on va travailler. Soit t'as dit. Belambi, Belambi, Belambi. C'est pas exemple. Dis ta mando qui service ou fait. Soit t'as dit. Service de nuit, de nuit, de nuit. Et c'est pas ça. Dis ta dio qui j'en fais une petite comme ça. Soit t'as répondu. Mais son question de toute la nuit. Là. Ouais, pas non de nuit. Ouais, pas ça dormir. Une tour nos crayons. Regardez non, regardez non. Qui Joseph fait comme ça? Ou bien jouer dans mon bois puis mon passé. Ça la veut dire ça. Jouer dans la main, c'est pour capable de jouer là. La côte de souris, à la côte de souris, toute la journée. C'est lui, à la côte de souris, à la côte de souris, tout la journée. Si tu souris, souris, sous la poche de Maya, la figure, à vous pas dans les là. Souris, j'adore. La Mayotte, ouais, pas ouais, on y est, la Mayotte. Thank you.

monde déballé. Maman, papa, ou frère, cousin, cousine. Tout est drôle ça, non, ça va le faire. Son mariage civil enterré vers Baloué. Yé, yé. Wap tu es comme mon nom. Mes femmes, ça va le marier. Son femme qui gomme 14 à 15 ans. Depuis coquin dans ses soukai maman. Ou si on même kalte koke ratye fè sa. Bek fè a, ran moun nan kwa l'mari ak li. Mais c'est malhonnête, ye ye. Wap tue kan moun nan ou. Ala bagay ki di. Se l'on nan mari ak un fi. Wal nan travay, ou kite madame ou la kayou. En bon ordre, soit disant, pour voisinage, voyez les yeux pour. Et puis ce voisinage, a kapran j'on seri de combinaison louche. Pour livrer madame ou à la crier public. Mais c'est malhonnête, yé yé. Wap tue comme nan oué. Bon, gade sa krive ou. Gade vous cherchez nos travail ou. Pour vous faire constat madame ou. Sous route de l'ambi. Non vie décapotable. A pied non vie pieds en man. Avec droit vagabond sans asile. Mon cap marché fait des arrois, des avis. Yé yé. Wap tue comme nan oué. Bon. Nous va lancer, nous va lancer. Gardez-nous, mesdames. Mesdames, ça y est là. Vous te connaissez très bien. Quand madame vient chercher pour le mener, on vient danser ses lèvres. Si c'est que vous contingent, pas contingent, bagaille, trop choy. Vous te faites pour expliquer tout bagaille avant de te déplacer avec lui. Parce que quand madame saute la caille, il connaît la vie chercher la caillou. Sans question de fête, fête et fourni. Oui, en question de fête et fournie. Comprenez? Donc c'est mal arrivé dans le bala, comprenez? Ou a bien créé problème, ou série de bagailles, comprenez? C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Et puis attendez, ça fait arriver, dit camarade là. Oh chéri, chéri, moi le don bagaille là, il va fâcher, non? Il va fâcher, non? Monsieur Demet, dis-le soit dit non, non, dis-le soit dit non, non. Même si c'est senti. On bagaille qui pas normal, sent-il pas l'aise. Oh oui chérie, pendant ma place avec toi, moi mon petit Jean, quand on t'a donné un monde, qui 99 plus 1. Aïe aïe aïe. Pas la part de la tempête à mon monsieur même. Quand vous avez créé problème, mes camarades là. Hein? Bon, en tout cas, passons. Bon. C'est gâté pour le gâté. Ou pas quand rien de sérieux à faire pour lui, c'est gâté pour le gâté. Pas quand rien de sérieux. Pas quand rien de sérieux. Et puis t'en es salarié, dit comme Adla. Au chéri, sous quoi menti, moi aux êtres là, ouais. Moi aux êtres là, ouais, sous quoi menti. Bah là, c'est gâté pour le gâté. Pas fait qu'il soit de qu'on fait pour lui comme ça. Pas de qu'on fait pour lui comme ça. Fais expérience. Pas mal de matin, pas mal de midi, pas mal de soir pour essayer de pas garder dans mes mains. Pas raison pour faire tout le bagage ça, pour être un petit caoté, chargé avec Zépina là dedans. C'est pas sérieux, pas raison pour faire tout le bagage ça. Et puis qui soit de faire pour lui comme ça? Son question de trois fois par jour. Trois fois par jour. Oui, trois fois par jour. Trois fois par jour. Trois fois par jour. Trois fois par jour. Bâti de l'eau, bâti de l'eau, bâti de l'eau, bâti de l'eau, bâti de l'eau, bâti de l'eau, bâti de l'eau. C'est ça seulement, pas quand il y a un grand mot. Ça va vous lire. Bon, ma foutre s'est montée, ma foutre s'est montée quand même, ma foutre s'est montée. On m'entend de toute prière, pas jamais le monde, mais prière pas me nourrir ça privé. Ma foutre s'est montée. Qui que ça soit, comment? Que ça soit comment que la police bondit, donnez-moi votre affaire. Bon ma femme, ça dépend. Bon ma femme, ça dépend. Bon ma femme, ça dépend. Bon ma femme, ça dépend. Bon, tout à fait, ça dépend. Ma femme, ça dépend. Ma femme, ça dépend. Ça dépend, ça dépend, ça dépend, ça dépend, ça dépend.

Azuke,

ma vendre. L'amour n'a chita n'a pas la tire, y'a l'air ma vendre. Mirele, Jacqueline. Mais Satan. Chaque Millet va quoi te voir. Il prend tête Millet, il a sorti la gardée. Il a dit oui, mais voilà. Moi fou de mes volets, regarde, bien béni, bien béni. Il marche sur le volet. Il pop, il est fait sur le volet. On l'a gardé depuis la pied jusqu'en tête. On l'a levé, il frappe la tête. Puis où sont là, on l'a tombé là, attendez. Le moment quand il vient pas descendre. Mon dieu, il est disé bon, les caboles, il tombe l'élé. Lélé, lélé, lélé qui doit tout le temps, qui doit tout le temps. Pas qu'un monde qui t'a dans place, pour le bataille, je la brûlé. Non, pas brûlé. Le seul bagage qui va j'en ai fouet. Tout là, président moi. Je suis venu à la caille, je vais arrêter la caille. Je vais embrasser madame. Je vais déshabiller, je vais quitter toute l'eau tiède. Je vais monter ta table, je vais manger. Oh, je vais habiller comme sous cabane, comme une table, je vais dormir. Femme dans souké, je vais dire, mais, bébé, bébé, c'est le travail où il est. Je vais dormir ici, levez, levez, levez, levez, c'est le travail où il est. Dis, oui, mes amis, ça arrête pour moi. Oui, tous nos crayons. Femme dans ses sous, c'est la sous. À la fin, c'est ton billet, il est en bré. La police, pitié, descend vous. Mes amis, pas capable. Les mouins passent à dormir, vous êtes obligé à lâcher 8 coups de coupier pour me venir bouillir. Pour me bouillir, pour me fricasser, pour me manger. Pour moi, son petit dorme après moi. Oh oh, on m'a dit non. Ou pas fin garder la caille moyen. On dit bon c'est pas ça qui sauve. Sors t'arrêter la salle. Qui ça pour là? Ma pote gars sur X. On a dit non. Pas mal les bols ça même. Alors quand t'as fini bon appétit. Et ouais moi j'ai plus la caille là. Non non c'est pas pour ça ou là. Hein? Non. Bien ben. Ma pote fait non. Fini non. Fait non. Pas mal les bols ça même. Fait non bien ben. Ma pote fait quoi au sol. On a dit non. Hein? Ou bien j'ai fini garder c'est maya ça. Y'a pas fini garder la caille moyen. À la fin moi. C'est vous et vous et fille à vous moi. C'est vous et vous qui vient neuf. Je ne comprends pas, je ne comprends pas, mais je suis nerveux. Bien, bien. Ma poudre, pas de raison. Pendant 10 jours que vous nous avez l'air, vous nous avez l'air, vous m'avez tête ici. C'est moi qui mets tout, ça me douce ça. Dis, oui, bon Dieu, moui. Tous nos crayons, vous nous avez soucié la soucié. Sexy roman. Ouais, n'est-ce pas, petit, ouais. Cadeau, femme, coloquette. La nouvelle femme pour l'oquette, la consa malheur est à beau diable. Ni honte, ni gêne, de ses petites têtes, il a pas tué. Enfin, garçon bolon ça yo, yo bon système. Par exemple, avec mon fils, yo pas travail. Yo pas j'en font effort, yo font bagaille. Ratise dans le drive, vous le voyez. Il a dit mal à l'aise là, il a dit que n'importe quoi pour dégager, n'importe qui sachet femme, a fait ta souké pour ta longe. Et là on dit j'en ai, c'est pour fréquenter, c'est dans le drive pour vous. Et au papier avant, papa 50 dans le drive là. Bon, bon le bagage grive encore. Monsieur, pas bon monsieur. J'avais un moment de ballon 10 gouttes, c'est dans 10 gouttes là, vous pouvez prendre un petit clé dans la zone. Cigarette ou, petit glace. Respondant, c'est pour venir pour le faire manger, pour le mettre sous les barres toujours. Mes amis, comment est-il sauvé? Ça sont fait exprès, non? Ça va bon, pas bon, monsieur. Mais je dis, comme tout le dit nous, c'est rêvé, on a toujours serré pour m'banou, et m'banou, m'banou, non, pour nous. Oui, c'est malhonnête. Où est-ce que son colon, ça y est? N'est-ce pas un système, par exemple? Yo pas voulu tenter, par exemple, pour madame ta qui bonne. Dis tout dans la caille. Depuis elle l'a mouri. L'encadre pas dans la caille, c'est châtié, l'encadre pas. Alors pas de reine pour lui. Là elle passe, dit maintenant, elle va y avoir la mère elle est oui, on va y aller, on va y aller. On va y aller, on va y aller. Il va entrer dans la caille. J'ai laissé sous table, c'est mon abgadi. S'il va y avoir une manger, vous allez blau, blau, blau. Mes amis, il n'est pas bon, c'est tu qui as tué malheureux, ça n'est pas bon du tout. Alors on le verra encore, oui. Bah, très important, yo mange tu. Yo bre tu. Yo fume tu. Yo dormi tu. Yo pas travail tu. Yo fait tout à fait, yo, du. Et puis, yo pas laissé madame, yo fréquenter voisinage. Yo pas bon pour du. Dans son colon. On est pour les miens qui est fait. Y'a pété, j'ai miens rage. Donc qui est fait. On est pour les miens rage. Donc qui est fait. Y'a pété, j'ai miens rage. Donc qui est fait. Pour pas vite faire jalousie, pour demain bon je vais laver. Mandez pardon, pardon, pardon, pardon, pardon, pardon, pardon, pardon, pardon, pardon, pardon, maman, oui, la pla bouillée, moi, ouvrez porte pour moi, bon gaba dodo, ah oui, ah oui, baka kembe, maman, oui, la pla bouillée, maman, oui. La balle mouté la wo, la balle couille café, mouté la wo, couille cacao, la balle descend la ville, nous balle faisait café, faisait cacao, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, la balle mouté la wo, la balle couille café, mouté la wo, couille cacao. La balle descend la ville, nous balle faisait café, faisait cacao, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe,

jazz là même. Jazz a senti bon, il senti bon bon. Pour mon jazz là, yeah. Jazz a senti bon, il senti bon bon. La prime pour mon nouvel lié. Jazz a senti bon, il senti bon bon. Pour mon jazz là, yeah. Danser, mon tombé, danser, mon tombé. espagnol, yo di. Métropolitaine, yo di. Je t'aime. Antillaise, yo di. Africaine, yo di. Belle haïtienne, yo di. Américaine, yo di. I love you. Espagnol, yo di. Avec une belle fille, non, mais on pas besoin de perdre ton bois, petit chéri. Je vous aime, oui. On pas déjà parlé pour ou déjà tout là. Allez non, déjà marié ou tout marié si vous pouvez vous marier va pour conseil va pour cas et bien c'est ton camarade qui est grand petit là qui là je comprends l'idée que 17 ans mais la pour petit la vie rentre chez service c'est toujours les soirs à 8h du mat. Même si jugé nécessaire, pour être après toute la petite là fait pour lui. Sans quoi dire petite là. Chérie, pour tout ça, moi fait pour moi. Ma mariée avec vous. Oui, et donc j'ai pas dit mon ça. Oui, et vous connaissez deux bagailles pour me dire même. L'argent, avec mariage. Et puis là, j'ai fini ça, regardez, puis la vie, quand on dit mon petit, quand on dit mon petit. Oui. Fais manger pour moi. Oui chérie. Vini voyer où? Oui chérie. Vini voir maman. Oui chérie. Quand t'as joué, ma kilou. Oui chérie. Tout ça le deal. Ah oui chérie. Oui. Jodi puis fête, oui. Mariage vient à fête. Même tout ça. Moun. Automobile même c'est pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom bourrette cabrette camion basquille oui oui pendant le sable défilé quand elle me chita derrière la pluie était pas gauche à droite tout le sable que vous capadez l'aile qui vient la caille réception en fait de moment il y a pied bouchon champagne madame a galé vu le sautil pour galérer à boulot. Alors pas faire voisine sur côté à Weli. Alors pour les voisines, non. Alors les grilles et tout doit être libre. Pas voisine, voisine, car vous voisine, vous connaissez. Et puis vous sortez l'autre défaut encore. C'est filé à filé ou vous valez ou. Et pourtant, vous ne pouvez pas prendre des pinons. Vous ne pouvez pas aller à l'instant. Vous pitié. Mais pour un fils, pour tout bagage, ça y est, vous grimpez. Sous des orteils, vous arrivez à mon côté, gars. Jodi fi fèt wè, 3 mois pa passé. Discussion. Mais sou a posé dèk la teye. Mais là j'ai fini dèk la jod. Oui. Maman fi a vin pa blé wè, monsieur. Papa fi a pa blé wè. Sèl pa blé wè. Fouèl pa blé wè. Même chè nan kade bi chè jape, kèl sote. Oui, di bon lè. Oui. A fè zo klo a même. De chaque 5 minutes, la paix m'a l'air à souffler. Oui, oui. Zoclo devant, Zoclo sous côté, Zoclo derrière, Zoclo les moulins, Zoclo les moulins pas là. Avant de marier, pour préparer, faut travailler pas bien parer, c'est pour après, tout ça vivrer. Monsieur n'apprend ça comme exemple. Avant de marier, pour préparer, faut travailler pas bien parer, c'est pour après, tout ça vivrer. Allons faire bagaille, allons faire mariage, allons faire bagaille, faire mariage, c'est faire bagaille. Et pour planter nos autres bonnes années, y'a des légumes. A tout maman pour yon kofé paré pour planter pour tout mon ami. Yon délégué quoi? A tout maman pour y a peut promener, inviter mes amis, pour demain matin, bien connaître, pour y aller dans même, y a peut promener, inviter mes amis, pour demain matin, bien connaître, pour y aller dans même, l'elle fait 3h du matin, on peut comme chanter, maman pour lever, petit jour derrière. Mal fini volé, mais t'as pas en relé. Pour t'être gagé à ma foule, ou qui prend devant. Kota, katkada, potkoda, gade séjour. Kota, katkada, potkoda, gade séjour. Aïdine, kok, moi dîne, maman boule. Potkoda, gade séjour. Aïdine, kok, moi dîne, maman boule. Potkoda, gade séjour. Mal fini volé, oh. Chaque jour, ma voix de Comme je tout à fait. Anyway, pour moi, ma prochaine. L'argent pour manger, c'est toujours 10 dollars ou toujours Bali. Toujours 10 dollars au Bali pour manger. Lundi, 10 dollars. Mardi, 10 dollars. Mercredi, 10 dollars. Jeudi, 10 dollars. Vendredi, 10 dollars. Samedi, 10 dollars. Dimanche, 5 dollars. Pour bagage changé. Travail, c'est toujours l'emporte la chute à la vie ou à venir. Depuis non, on dit qu'on l'embrasse, il prend des bouches, mettre en bouche pour la parler de la scrao. Et puis l'on dit à ton papa les français sous-tendé. La conjugue le verbe bodaï, la petite royer, le mot, tendez ça. Oh chéri, pourquoi te tiens-tu t'éloigné? Te caches-tu au tombe de la détresse? Oui, oui, oui. La fois qu'une barbe, on vient de 5 dollars, la température a changé. Laisse ça, pas chita dans la porte, la chita dans la cour. L'on a fini, ni Bordeaux. Et pour même, on va rentrer avec madame, au barret, au bâti d'Adal, plat, au deal, sol. Laisse ça, le point bouche, il y a le bon bonjour, il y a bon ça, il est beau, beau, en hypo. Depuis les 5 dollars, tout le bagage changé. Depuis les 5 ma habitude pour ma... Mais j'aime dire nous ça, mais j'ai pas essayé par mon ça, habitude, parce que wap nan plus gros problème qui existe. Est-ce que Wally? Toute habitude c'est vice. Eh bien, habitude. Toute habitude c'est vice. N'habitude, d'habitude. Toute habitude c'est vice. Eh bien, ça arrive, monsieur, à chaque fois, monsieur, besoin de jouer. Toute habitude c'est vice. Pour la fête, il a gros caché. Avec madame, il va rester là. Toute habitude c'est vice. Il va dire qu'on peut dire fille, chérie. Au sac. Toute habitude c'est vice. Au sac. Malheureux, ça va faire l'idée de toi pour un sac qui fouille dans la tête. L'aller de monter carbone, il bouge. Il dit bon, qu'il t'aime, faut-il dormir tout. Monsieur Demek, tu vas dormir tout. Tu vas attendre. Mais, on voit, c'est ce côté qui a suivi toute activité. Toujours, monsieur, levé dans la contribution. Voisin, il m'a traversé tout, moi, je m'a fait. Si mal va, font un petit sommeil tout. Monsieur, pas dit, il fait à. Au sac. Au sac, si y a pas regardé, si c'est Marie, si c'est pas Marie, il prend sac là, il faut dans la tête. Là, il fait même bagarre, il était fort par avant. Oui, voisin, même il était là. Oui, les voisins viennent bien dormir, traverser la caille. C'est alors Marie fait apparaître. Il peut comparer pour la fille. Au sac, chérie. Au sac, viens dit oh, dès que c'est allé, on fait du mot sac, quoi puis du mot sac en propre, j'ai dit oui, oh mon Dieu, oui, oh je n'ai pas de moi, je n'ai pas de moi, bon, dans nos habitudes, monsieur, habitude ça, même, c'est devant bouche cave, c'est devant bouche cave, vous parlez, dans les paroles là, oui, là avec madame, par exemple, ou pas par l'habitude. En principe, c'est d'elle tout dormi. On m'a dormi devant. Mais c'est pour faire petit changement. Oh maman, mettez-le devant. Mettez-le derrière. Il dormit devant. On dormit derrière. Donc il va qu'on côté lui. Ouais, je veux être là. Ouais, je veux être là. Eh bien, bon bagage qui arrivait. Son boss taille. Alors, monsieur, t'as une pièce calacté, l'âge en pile. Alors, mon boss t'a demandé si tu as quelques pièces qui pour soulever le bagage. Et puis, j'ai dit, chérie, moi, mon boss t'a vu, madame Kaila, là, sois pensé. Gardez même pas qu'on est séparé, Kaila, Wabali. Nous, moi, ça pour l'été, pour le travail, pour le gagner. Oh, oh. Mais boss t'a même, ce n'est qui toujours prudent. Il va jamais marcher avec l'autre poison carton. Depuis l'hiver, mettre carton. Voisin dit, gardez nos papa boss. Faites attention, vina carton, non, car c'est pas qui vous situez les pinaises, oui. Parce qu'on a des gros pinaises allemands, on ne va pas ça, on ne va pas faire ça, non. Viens dire, mais quittez-nous, la vie l'a retiré. Bonjour, papa, parce que t'as pas de la désotie. Mais chaque soir, les pauvres viennent dormir, soit fait des pinaises. J'ai dit, mes chéris, pas qu'à dormir dans la vie, pour trouver qu'on fait pinaise, et qu'elle pas senti moi-même, à soir, m'a dormi derrière, ou même si vous dormi devant. Si elle dit, oh, comment on a fait dormir devant? C'est derrière pour me dormir. Si on peut dormir devant, c'est au garçon, si on courit, c'est au même qui vous levez, moi pour me dormir. J'ai dit, c'est ça, et bien, on va connaître, on dormi devant quand même. Ça a venu vers 8h du soir, j'ai dit, regardez, non, couchez devant. Couchez devant. Et sous, dites, tweet. On crase où? Couchez devant. Mais bossa y a battu depuis là, la rue, bossa y a tombé soufflé. La porte n'a jamais déni, hein? La vie n'a jamais déni. Et puis, libre de faire fi attendre, divini. Il faut me gratter gauche dans la. Ah non. Oui, oui. Ça vient pas, c'est papa. J'ai couché derrière. Et puis, j'ai dormi. Lui-même, comme garçon, quoi, t'es là, sans ton pinaise. Il sent ton pinaise à marcher sous lui, comprends? Non, man. Non, passez, mais, qu'on go, une pinaise allemand, yo. C'est pop, libre pinaise, là. Oui, par contre, ça passe, le bois, ça crée les appareils. J'ai de gros bois métallique, là, mais ils sont attendus, là. Oui. Wos. Le monsieur vient là, que pinaise là tombe à toute croise, on va l'autre bord. Toute habitude c'est vie. Mamie chérie. changer métier. Pour aller affronter nos bagages qui passent. C'est vérité ou c'est pas menti? Parce que toujours dit, oh oui, c'est coupé, t'as peu de fausses séries de bagailles. Mais je dis à mine ma vérité, faut être capable d'entendre. Et bien c'est ton camarade qui est le Marcel. Mais, si à vivre, par contre, ça passe le ciel. Il vient de barrer avec mon fils. Et puis il dit, fille, elle remène. Non, parlez, fille, amène le ciel à Kaili. Elle arrive à Kaili, il fait connaissance avec maman fille. Il fait connaissance avec papa fille. Même tout ça, faut pas plus. Ils vivent dans Kaila. Depuis là, c'est chaque soir, c'est Vichita Kafia. C'est petit bouche, petit en bouche fia pour la prale de la Skaoul. Reprends-moi, c'est mettre un petit bouton radio, à chercher un petit poste caso, un petit poste rebelle. Reprends-moi, et puis ça me descend, meni, à dactylographie. Oui, oui, oui, mais, quand il me sortait, à son cas, il cantait, c'est pas qu'on a qui condition là. C'est qu'on n'est pas qu'on ait fait le voyage là. Mais, là, je suis venu à la fille, il ne va jamais manquer dans la chambre. C'est toujours salon avec galerie. Et puis, il y a aussi tellement venu habituer ensemble. Je suis venu à la fille avec nous dans la fille. Je suis apporté que je suis en dedans. Et bonjour, je suis en dedans. La passé. Et puis, il voyage dans la cabane fille. Il dit ouais, il y a une musique ok. Regardez bon ici, ils ont visé Spenville. Regardez l'autre bord, ils ont 45. Regardez notre tête à bon nom, mais l'on gonto comme un cas qui coque notre tête à bon nom. Oui, ah, monsieur Finot qui est dans le cas là, monsieur Bagadi, rien. C'est G.O.E. bouche paix. J'ai boule la fille, boule. Boule avec fille dans le cas là. Oh, bonjour. Ça vient de passer, monsieur, vous connaissez. Bon bagay femme toujours fait. Par exemple, elle gon moun nan meli. Elle gen mari li, vous comprenez moins. Dit toujours qu'on bagay fait comme comme d'adou. Dit toujours bagay ti pou de cham. Bagay son kon le pose à ti pou de cham. Mais moi même changer non. Bagay le pou de cham. Yo rele ça, tu voudras. Tu voudras. Il pète fièrement à l'éria avec qui voudra. Donc, comme à l'air, il pète du camp, il ne va pas chercher, il ne va pas nous encore. Il vit en état d'âme. Comment des cas là sont cas cantés, je ne vais pas comme ça. Je ne vais pas connaître si fille à tes filles là l'eau. Si tes premiers sergents me disent ça, il ne va pas comme ça. Si tes témoins Jéhovah, il ne va pas comme ça. Ça vient de libre net. Oh, vu avec fille. Bonjour dimanche, j'ai vu manger gravia, j'ai vu bien manger, non bien manger. Et puis, on connaît des bons noms, j'ai vu manger, bien manger. Vont tout plein correctement. Ouais, l'autre bagaille pour faire, pour confiner, mais comment c'est rentré, au bécaille, c'est rentré, c'est quand tu bout de chemisette, 16e zoubi. Puis à quand tu bout de chipot, 3/8e zoubi. Et puis, il y a couché sur le cabanon, il y a pas les causés. Il n'y a pas le siècle de bagaille longtemps, bagaille, les mains sont finies, bagaille ça y est. Par contre, ça vient de passer. Mamselle font virer drôle. Et puis, Marcel fait ça regarder Dash. Fia, son col, c'est du Fia. Chérie, sur ta jupe transparente, j'aperçois des moustaches. Oui, soit dans des cap Marcel prend vent. Marcel cap en l'air, cap il prend vent. Oui. Oui, on pour l'autre moment, on va de Marcel qui fia. Chérie, en alpha, oui. Fia même des trois besoins bagaille là. Fia couché sous dos, ouvert ses lits, Marcel même barrette. Oui. Oui, oui. Mamzelle dit garder non Marcel, pas femme soit femme non. Pas femme soit femme, pas permettre tout femme soit femme non. Descends nous carbon non. Habillé ou, m'a pas arrêté ou. Marcel dit oh, chérie, soit faire comme ça. Soit faire comme ça. c'est mal, vous soyez fait comme ça, c'est mal, vous soyez fait comme ça. Mademoiselle dit détail, faut arrêter ou t'es un cabane habillé. Mademoiselle levé le point bleu, le met sous lui. Il prend cartouche, elle passe dans René. Il prend fusil, le met dans Doni. Il dit Marcel, devant. Ouais, Marcel, même pour Jabi Bralé. Il bat qu'on a qui s'en tape tombé. Il prend un piège, il va connaître. Elle arrive dans la caserne, non. Commandant dit, oh, madame Marcel, qui peut nous mener pas là? Oui, commandant. Pas de monde qui t'a pour faire parler de Marcel. Tout ça, Marcel, fait dans la en place, moi, pour t'avoir bagaille là. Pas de monde qui t'a pour faire parler de Marcel. Comment, commandant, on a eu sous combat là? Est-ce que j'en connais? Hein, mon bagaille, faut qu'on est bien. Civil pas, j'en connais prêt, pas chef. Dis civil pas, pas chef prêt. Soit couvrir nous là. Si nous quittons, fermez-nous. pas peut changer. Même bitin, même bitin, même bitin, même bitin.

Ouais, mesdames, ça y est. Y'a un système. Là, ouais, DJ, j'en ça y est. Y'a un produit. Coupé. Bon petit petit, ça nous met un coin dans moi. Alors, qui est-ce que vous comprenez à toi? Dis-moi, c'est 100 jours, 7 jours. Depuis, j'ai un seul bouton. Mais bouton taché jusqu'en bas. Collé chez mes yeux. Rêve. Alors c'est même qui met ça yo. Gavin fait ma couille en dedans caillou. Alors pendant Marie a dit quoi le font des vacances. Oh oh. Mon Dieu était trop bien content. Mon Dieu qui est en sortie. Oh maman, il va l'acheter série pour changer toute série dans porte là. Dans caillou là. Mais maman elle même comprendre, j'y allais. Et ce bon homme s'est tourné dans caillou là, s'est caché dans caillou là. Caché dans caillou là. Et puis, pendant que je suis dedans, vers 10h du soir comme ça, et puis tant qu'on a d'anglais qui a parlé dedans, là. Tant d'anglais qui a parlé, qui a de comprendre? Why me? Dime me? 69 me? Oh, anglais? Oh, moi je vais lever. L'élevé, t'as vu, c'est Marie qui est devant nous. Vitalement saisi. C'est un combat de son folie, comprends comment? Vous mettez être capable de prendre qui sont comprends l'idée. Oui. Non qui porte. Non qui tout. A qui clé. Oui. Voisin n'a pas des scandales là. Voisin n'a pas de fini. Voisin n'a dit sourire, voisin. C'est top de bien. Racontez qui sont sentis. Qui sont sentis. Oui, mon Jacques est mon seul mot. Non qui porte. Du seul mot, Kébé. Pas de penser si Marie t'a guébé dans la condition ça. Oui, oui, oui. Allez, qui le bail créole, allez, qui le. Non, qui porte. Non, qui tout. A qui clé. A qui clé. A qui porte. A qui tout. A qui clé. A qui porte. A qui Oui, oh, méchant, yo fout méchant. On va arriver. Ils ont toujours dit où toutes choses sont devenues nouvelles. Mais c'est pas menti. Parce que font pas jamais mes garçons. Ou facile ou un garçon, faut être dans mon automobile pour être une femme. Mais femme pas besoin qui est ping piqué pour être un garçon. Ah oui, ça, c'est écrit. Oh oui. Ça fait monsieur. Ouais, moi-même, voilà. Moi-même, voilà, pour péter choses là. Son tonton, regardez non. J'ai une femme d'avis devant mon dit, ouais, mais moi. Faut tout ça souffler pour cacher dans. Oui. Alors, monsieur, ma bas nous conseille. T'es une gamme à gamme, non pas jamais, c'est pas l'habitude. Parce que nous pas de pas l'habitude, là, non, non. Pour gagner un jour, par exemple. J'ai des corps qui vont battre. Mais à chaque fois pour me chaler dans la gueule, tout pour ma dame, mais dans Babrali, pour la bête, pour ma vie d'habitude là tout. Mais des 20 jours, je suis malade. Je ne vais pas faire ni avant ni bac. Maladie a vite confondu le budget. Pour la gueule, ça vient d'arriver. Ça vient d'arriver. Bah, je vais le croire, c'est lui qui a privé quand même, c'est lui même qui a privé. C'est lui qui a privé. Oh! On a traversé, t'as brasé, là le bat-coq. Non, bat-coq, bat-coq, bat-coq. L'aime tout ça. Sous un coq à lier, bon gagné, l'aime tout ça. Sous un coq. Il y a une tête, il y a une tête. Ah, c'est pas grave ça, sous ça. Comment? Il y a une grimpe bas, il y a une chaussette. Mais moi-même, c'est type original, il y a une. Parce qu'on s'est plastique lié. Et puis, il dit, avec ça, ma poule quand même. Quoi, nous entendons pour la maoutsa d'évolution. Et là, il y a fait tout le bagage ça. Vous connaissez maoutsa d'évolution, il y a fait tout le bagage ça. Mais mon Dieu, bon, tout va bien. Je suis toujours capable de boule avec nous. Et puis, nous boule, boule, boule, boule. Et puis, vas-y, c'est pratique avant théorie. Et puis, oh, vas-y, nous allons essayer. Oh oh, l'entrée sec, il sorti mouillé. Et puis là où tu vois me garder, tu vois me garder, tu vois me garder, tu vois me garder. Et puis pourtant, les sons bagaillons, c'est tec, tec, tec, tec. Et puis voisine, on tombe relé. Voisine, oui, voisine, on t'aime chèque, on va être à Kéa. Voisine, oui, voisin, on t'aime toi, Kao. Mets sur le camion, on va dire au chalet dans moi-même. Moi-même coupé, son ton ton pas baby à même, ton ton tel chose ouais là. Nous sommes ton regardé nos qui très Chipo Kao. Regardez non, ou même qui l'a gardé non. Des fois nous monter la couille à une moyenne. Pour qui m'aimez-vous? Yeah. bienvenue à tous. Et le tout fait. C'est si vous si voulez. Oh Jésus, papa, ça va m'appeler.

Monsieur Damien Couton parole, ça même c'est plus qu'en parabole. Thomas Ovin très charmante, même pas de supposé s'il t'amusant. Vendredi soir, il était très tamoué, t'es chitam, tape Dieu guita. Quand on s'est un esprit d'auto, et ça vient dit qu'on Tomaso. A la yon bel petit côté, mais oui, monsieur, c'est Tomaso. Si on j'en j'en va remè, tout ça yon dit lui pour la CP. Moi pas vine faire bisou, moi pas mon Tomaso, non pas le marié. Mais mon Tomaso, yo pas remè zo. Tomaso, on fait vie zo. Mais mon Tomaso, yo pas remè zo. Mais Tomaso, on nous fait vie zo. Tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, thank you. nous avons compris intelligent. Et pourtant, nous sommes facilement imbéciles. Quand on a dit qu'on a dit au monde, faut monter dans la position pour ta web bagaille là. Ouais, qu'on a habitué l'autre à venir dire oui. Madame m'a dit ça, oh oui, elle dormit dehors. Et c'est pas vrai, elle fait dormir dehors, elle ne va jamais dormir dehors. Sans des cailles, tout dormir dans l'autre caille. Mon gars, bagage guiné. En parlant de dormir dans l'autre caille, hier soir, je dormis, me rêvais. Femme qui vole sous dom. L'aime vous laisse ça. Ce qui me transforme. Mine tout non bouic. Laisse à me tomber prani. Iron, Iron, Iron. Je m'a regardé qu'un voisin. Ouais, voisin tout non super. C'est quand même un coup de mari. Couléa c'est belle bagaille, Tita, la sortie l'église. Couléa c'est belle bagaille, Tita, pour famille content. Couléa c'est belle bagaille, Tita, ta faut régler. Couléa c'est belle bagaille. Toujours de même. Depuis à 900 par la dépassée de son habitué à manger ze, c'est ze pour manger. Faut-il faire faut-il